Josepha, madame, est juive. Elle se nomme Mira. C'est l'anagramme de Hiram. Un chiffre israélite pour pouvoir la reconnaître. Car c'est une enfant abandonnée en Allemagne. Les recherches que j'ai faites prouvent qu'elle est la fille naturelle d'un riche banquier juif. Le théâtre, et surtout les instructions que Jenny Cadine, madame Schontz, Malaga, Carabine ont données sur la manière de traiter les vieillards, à cette petite, que je tenais dans une voie honnête et peu coûteuse, ont développé chez elle l'instinct des premiers Hébreux pour l'or et les bijoux, pour le veau d'or. La cantatrice célèbre, devenue âpre à la curée, veut être riche, très riche. Aussi ne dissipe-t-elle rien de ce qu'on dissipe pour elle. Elle s'est essayée sur le sieur Hulot, qu'elle a plumé net. Oh, plumé, ce qui s'appelle rasé. Ce malheureux, après avoir lutté contre un Keller et le marquis d'Esgrignon, fous tous deux de Josepha, sans compter les idolâtres inconnus, va se la voir enlever par ce duc si puissamment riche, qui protège les arts. Comment l'appelez-vous? Un nain? Ah, le duc d'Hérouville. Ce grand seigneur a la prétention d'avoir à lui seul Josepha. Tout le monde courtisanesque en parle, et le baron n'en sait rien, car il en est au 13e arrondissement, comme dans tous les autres. L'amant est, comme les maris, le dernier instruit.